sortie culturelle. Sortie culturelle à la Corrigan vous est présentée en direct du 380 rue Dorchester. Bonsoir et bienvenue à la Corrigan pour Sortie culturelle. Jessica Leb avec vous pour cette émission Sortie culturelle à la Corrigan. On est donc au 380 rue Dorchester dans le quartier Saint-Roch pour 2 heures d'émission culturelle. On va recevoir plusieurs artistes en prestation aujourd'hui, notamment Fria Moras, jeune artiste de Québec dont le nom circule de plus en plus. Et ça tombe bien, c'est l'Ampli de Québec qui nous présente cet artiste dans le cadre de sa chronique. Pour petit rappel, l'Ampli de Québec, qui est un centre en formation et accompagnement en musique d'artistes à Québec, venez nous voir dans Première Loge, l'émission du retour. Puis on s'est dit, tiens, tant qu'à avoir du public, maintenant on va faire ça à la Corrigan. Donc ce soir, on vous présente Fria Moras et c'est un rendez-vous qui aura lieu une fois par mois avec l'Ampli de Québec. Également, notre concours Talent en scène se poursuit. Je vous rappelle que c'est le fil rouge de la saison jusqu'en mai 2019. Alors ce soir, notre candidat s'appelle David Batchy. Il est aussi connu comme personnificateur de Johnny Cash à Québec. Alors c'est tout un univers country qu'il nous fera découvrir ce soir. Et notre jury livrera bien évidemment ses impressions dans l'émission. Également, chronique bière de la Corrigan. Aujourd'hui, on s'intéresse à Ta Meilleure de la Gabière, microbrasserie québécoise à découvrir. Également, on est dans la semaine de sensibilisation aux maladies mentales jusqu'au 7 octobre. Alors c'est l'occasion de vous présenter la boussole, regroupement des parents et amis de la personne atteinte de maladies mentales qui œuvre dans Limoilou. Et on va commencer l'émission avec de la danse, une école de danse qui a l'habitude d'avoir son quartier général ici, puisqu'on organise déjà plusieurs soirées à la Corrigan. C'est presque un fruit du hasard de les retrouver quand on parle de swing. On peut pas passer à côté de Tempo Swing, école de danse dans Saint-Roch, également troupe de danse qui fait plusieurs concours à travers le Canada et même ailleurs. Alors pour vous en parler aujourd'hui, je suis avec Kathleen Rousseau, cofondatrice de l'école. Bonjour Kathleen. Bonjour, bonjour. Et également, alors il y aura 2 danseurs en prestation dans quelques instants. On parle tout d'abord avec la danseuse Jeanne Huguenin. Bonjour Jeanne. Bonjour. Kathleen, pour commencer, Tempo Swing, ça a vu le jour dans le quartier Saint-Roch en 2014-2015, est-ce que je me trompe? Non, c'est bien ça. Ah. En fait, on va bientôt fêter nos 5 ans en avril, mais en fait, officiellement, ça avait commencé là, dans le mois de septembre-octobre dans le quartier Saint-Roch. Donc oui. Et vous êtes trois jeunes femmes à avoir fondé l'école. L'idée déjà de se démarquer dans vos méthodes d'apprentissage, parce que souvent en danse, c'est l'homme qui guide et la femme qui suit, mais à Tempo Swing, on apprend à faire les deux rôles, qu'on soit fille ou garçon. Là. Mm-hmm. Oui, donc c'est une méthode qu'on applique depuis le début. De toute façon, de la danse, c'est vraiment des mouvements. Donc, qu'il y ait une personne qui guide ou qui follow, ça change pas grand-chose. Et les danseurs, en apprenant les deux rôles dès le début, ont vraiment une meilleure empathie pour l'autre côté et comprennent mieux qu'est-ce qu'ils ont besoin de donner à leur partenaire afin de mieux faire leur rôle eux aussi. Donc, vraiment, on a trouvé que ça avait beaucoup d'avantages. Puis les gens, après ça, bon, tout le monde peut danser avec tout le monde, les gars ensemble, les filles ensemble, les hommes avec les femmes. Donc, ça donne vraiment une meilleure communauté de tout le monde qui peut danser ensemble. Et pas besoin de se soucier s'il y a assez de garçons dans le cours pour le partir ou l'inverse. C'est ça, exactement. Parce que l'inverse arrive aussi. Nous, en fait, on a souvent beaucoup plus d'hommes dans nos cours. C'est peut-être à cause qu'on est dans le quartier technologique avec toutes les entreprises de jeux vidéo. Voilà, on est quand même assez équilibré, mais un peu plus d'hommes que de femmes. Ben, Jeanne, toi qui va danser ce soir ici à la Corrigan, toi, ça fait combien de temps que tu fais de la danse swing? Alors moi, ça fait 2 ans que j'ai commencé à danser. C'était en arrivant ici à Québec. Et puis, ça a tout de suite accroché. C'était un coup de cœur pour moi. Et puis j'espère encore continuer longtemps à danser si vieille. C'est l'avantage de cette danse, c'est qu'on peut vraiment continuer très très très très très longtemps là, jusqu'à la fin de nos jours, je pense. On peut danser le swing. Oui, ben il y a un des fondateurs là, du swing qui s'appelle Frankie Manning. Il y avait aussi Norma Miller et d'autres danseurs, mais ce monsieur-là est mort à comme 95 ans et il a dansé jusqu'à 95 ans moins quelques jours là. Donc il a vraiment dansé pendant toute sa vie et on en a plusieurs exemple, voilà, aussi dans nos cours, là, c'est vraiment de jeune à moins jeune. Il y en a pour tous les goûts. Peut-être avec moins d'acrobatie en vieillissant. Est-ce que c'est un cliché ou pas? On fait pas tant d'acrobatie dans le swing social parce que, bon, dans une soirée de danse, il y a beaucoup de gens, on risquerait d'atterrir sur la tête de quelqu'un. Mais c'est vrai que dans les compétitions, on fait beaucoup d'acrobatie. Cela dit, il y a des professeurs d'acrobatie qui sont quand même au-delà de la quarantaine et qui en font encore. Donc, je pense que c'est quand tu es un athlète de danse et que tu fais attention à bien t'entraîner, bien te réchauffer, tout ça, c'est possible de continuer ça longtemps. Mais c'est ça, c'est aussi possible de prendre ça plus mollo et de danser doucement là, sans sauter partout. Au-delà de la quarantaine, ça va, on est encore jeune, hein, qu'on rassure tous les quarantenaires qui nous écoutent. Vous allez pouvoir encore faire des acrobaties, hommes comme femmes. Jeanne, toi, qu'est-ce qui t'a plu dans la danse swing? Pourquoi cette danse particulière? Des danses en couple, il y en a des milliers. Pourquoi celle-ci? Alors, déjà, évidemment, la musique des années 40, 50, c'est vraiment la musique que j'aime. Et puis, évidemment, l'énergie, en fait, du swing, vraiment, c'était de pouvoir m'exprimer dans cette énergie-là qui est si vive. Et de danser, ça donne aussi une énergie qui est similaire à celle qu'on entend, qu'on a envie de vivre. Et puis, c'est très rythmé et... Les gens qui dansent le swing, c'est toujours des gens qui ont envie de dépenser leur énergie au maximum, j'ai l'impression. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a l'esthétique aussi, hein. Tu parlais de la musique, Jeanne, mais il y a aussi l'habit, hein. J'ai vu en fin de semaine, vous étiez au Château Frontenac, vous aviez la chance de danser dans la salle de bal du Château Frontenac avec un groupe en spectacle, et je voyais que tout le monde avait joué le jeu de se costumer, de se coiffer dans le style des années 40-50. Est-ce que ça vient en dansant? Est-ce que c'est pas obligatoire déjà non plus? C'est pas obligatoire, mais je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui s'y prennent au jeu et qui aiment ça. Et c'est drôle parce que justement, on revenait du Château Frontenac et il y avait plusieurs des danseurs qui s'étaient remis en habits de ville, donc dans leur habit naturel qu'ils portent à tous les jours. Et il y en a qui étaient encore vraiment habillés très vintage, là. Donc je dirais qu'on trouvait ça très drôle. Fait que c'est ça, souvent avec la musique vient le goût là, de s'habiller un peu avec le style de ces années-là. C'est pas obligatoire, il y en a plein qui vont danser en jeans puis en t-shirt, mais c'est quand même le fun aussi de le faire. Je pense qu'il y a aussi le goût de vouloir revivre ces moments-là des années 40 et de vouloir faire comme à la belle époque et de s'habiller comme ça. C'est rentrer dans un rôle aussi, mais c'est pouvoir revivre cette époque-là. Mmh. Un petit voyage dans le temps à travers la danse et cette musique. Kathleen, qu'est-ce que tu dis aux gens qui peut-être observent le swing, viennent souvent à vos soirées mais ne dansent pas encore? C'est quoi le petit truc qui manque pour se lancer? Qu'est-ce que tu leur dis? En fait, souvent on me dit « oui, mais moi je suis pas bon en danse ». Et là, moi, souvent, je réponds « oui, mais c'est pour ça qu'on donne des cours de danse ». Donc, des fois, je vois les gens, ils sont impressionnés par ce qu'ils voient. Mais des fois, exemple, la dernière fois, il y a un monsieur qui m'a pointé. Des gens, ils disent « ah, eux sont tellement bons », mais ces gens-là, ils venaient juste d'apprendre à danser. Donc, il y avait du plaisir, ils s'amusaient et ça paraissait, mais... ce qu'il faisait, c'était pas nécessairement technique, là. Il y avait du plaisir. Donc, en swing rapidement, on peut avoir du plaisir, s'amuser sans devenir des spécialistes nécessairement. Donc, je dirais, si vous avez le goût de rencontrer des gens, si vous avez le goût de faire de l'exercice, si vous avez le goût de faire quelque chose qui est à la fois social et artistique, venez essayer le swing. Ça vous engage à rien. Mais je vous dis, ça se peut que vous vous preniez dans l'engrenage et que vous soyez plus capable d'arrêter. Mais Jeanne, j'imagine que maintenant, tu fais des compétitions ou pas? Plus ou moins, dans des événements, j'aime ça participer, mais je te dirais que c'est pas la base du swing, vraiment. Je pense que c'est le social, justement, c'est de rencontrer du monde, c'est de partager des moments forts avec des gens qui ont la même passion que toi ou la même envie que toi par rapport à la danse. Et puis, Et puis c'est vraiment un trésor de rencontrer les gens qui font du swing. Moi, je trouve que c'est les plus belles personnes que j'ai rencontrées à présent dans ma vie. C'est beau, c'est bien dit. Et le danseur est là juste à côté en train de boire ses paroles. Mais sans plus attendre, pour tous ceux qui sont à la Corrigane, Jeanne, je te propose de rejoindre ton danseur pour aller danser avec lui dans quelques minutes. En attendant, Kathleen, je suis quand même impressionnée d'apprendre que Jeanne a commencé le swing il y a 2 ans et qu'aujourd'hui, elle donne des cours. Ça va aussi vite que ça? En fait, ça dépend des gens. 2 ans, je connais des gens qui ont dansé pendant 10 ans et qui donneraient quand même pas de cours. Donc, il y a vraiment... en danse, il y a des bons danseurs, il y a des bons pédagogues. Et souvent, dans les gens qu'on recrute comme nos professeurs de danse, on prend des gens qui ont déjà travaillé en enseignement ou qui ont la pédagogie à cœur. Ensuite, bien sûr, ça prend des gens qui sont vraiment... motivés, passionnés du swing. Et ça, les gens qui dansent depuis 2 ans le sont beaucoup, motivés et passionnés du swing. Ensuite, c'est ça, c'est la meilleure façon d'enseigner et de devenir un bon professeur, c'est aussi de commencer à enseigner. Donc, souvent, nous, on a un système là, de tutorat, si tu veux. Donc, on met nos professeurs les plus expérimentés avec certains professeurs qui commencent. Et comme ça, on s'assure là, de créer une communauté, une scène forte qui va continuer. Parce que si on a seulement des professeurs expérimentés, bon, on en a beaucoup à notre école qui dansent depuis des années. Mais éventuellement, des fois, les gens prennent leur retraite. Il faut quand même là, s'assurer... De la relève, oui, mm-hmm. Voilà. Alors, la danse, ils sont déjà en train de danser, j'adore, et sûrement qu'ils se pratiquent, mais c'est ça qui est beau à voir en swing. Un grand classique de la musique swing, et on va en parler dans quelques minutes, on ne peut pas imaginer ce style de danse sans Glenn Miller et la fameuse In the Mood. C'est la chanson qu'ils ont choisie ce soir. L'école Tempo Swing vous présente un avant-goût de ce que vous pourriez apprendre dans vos cours. Mm-hmm. les danseurs de Tempo Swing ici à la Corrigan. Hein, si vous voulez nous rejoindre et apprécier le spectacle, vous aussi, 380 rue Dorchester. On est là jusqu'à 19h30. Très, très belle prestation. Et en plus aussi, pour tous ceux qui étaient présents, on a pu voir l'inversion de rôle. Donc, celui qui guidait est devenu celui qui suivait, hein, celui qui follow, comme vous le dites, dans votre milieu, et vice-versa. C'était vraiment très, très beau à voir, parce qu'évidemment, on a toujours l'image de la femme qui suit et de l'homme qui guide, mais on voyait que c'est tout à fait possible, et ça n'en fait pas une danse plus ridicule pour autant, Kathleen. Non, non, pas du tout. Et en fait, c'est ça qui est drôle de savoir que c'est cette image-là que les gens ont à la base, parce que oui, c'est vrai que dans les films, bon, avec Fred Astaire et Ginger Rogers, vu que c'est dans un film d'amour et tout ça, donc là, ils mettent ces deux-là qui dansent, mais quand on regarde des vieux vidéos des années 20, des années 30, les gens qui dansent, il y a beaucoup de femmes qui dansent ensemble et beaucoup d'hommes qui dansent ensemble, en fait, même plus que des couples mixtes, tu sais. Donc, c'est dû à quoi? Ben en fait, à l'époque, les femmes dansent ensemble ou les hommes dansent ensemble, c'était quand même naturel, c'était même moins gênant que d'aller inviter... Avec un homme, oui. Ben oui, ouais, c'est le ça. Sexe opposé, finalement. Et voilà, fait qu'en fait, on retourne aux racines du swing plutôt. Incroyable. Alors, on accueille... Ben, déjà, Jeanne, comment ça va? Ça va, c'est bien, ça va. Dans le petit espace que vous avez à la Corrigan, j'étais impressionnée de l'amplitude des mouvements que vous arrivez à avoir aussi. Hein, parce que, bon, vous avez l'habitude de danser ici, il y a du monde, il faut se faire son espace. Mais quand même, c'est un défi aussi en tant que danseur, vous adapter à votre espace. Oui, alors l'apprentissage de gérer la place qu'on a, c'est quelque chose. Et puis, ça se développe vraiment en venant aux soirées sociales, justement. Mm-hmm. Et puis après ça, on peut tout faire. Et il existe d'ailleurs des danses qui dansent plus petits, plus grands. Donc, si on n'a vraiment, vraiment pas de place, ben, on va peut-être opter pour une danse qui se danse un peu plus petit, un peu plus close. Balboa. Un petit balboa, par exemple. Ouais. Plutôt plus collé, c'est ça? Exactement. Alors, on accueille Pierre-Olivier Parizet qui t'a accompagné bonjour. Sur cette danse. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour. C'était vraiment très beau à voir l'inversion de rôle. J'avoue que je ne l'avais jamais vu. Pourtant, avec Kathleen Rousseau, on s'est rencontrés plusieurs fois à Tempo Swing. Je n'avais pas vu ça en action. Toi, en tant que homme danseur, la première fois que tu as échangé les rôles, quelle a été ton impression? Ma réaction aussi, quand une personne m'a invité à changer de rôle, ben, ça a été un peu... Ah ouais, je peux faire ça? Ah, ok. On l'a essayé, puis ça a été pendant... Ouais, ça a été un coup de cœur parce que tu peux voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté aussi et en même temps améliorer l'autre côté qui est ton lead, donc via le following. Donc, ça s'est fait un peu naturellement via, dans le fond, une personne qui m'a demandé de danser, puis j'ai fait « Ok, on y va, puis on va essayer. » Et de danser avec un autre homme aussi. Ça arrive dans les cours, ça je l'ai vu aussi. Pour le coup. Ouais. Au début, je dois t'avouer, ça a été un peu gênant pour moi. Mais tu t'habitues, puis tu fais juste « T'es là pour danser, puis il faut que tu gardes cet esprit-là que t'es là pour danser. » Ça doit beaucoup changer les relations entre les participants dans le cours aussi, non? Oui, effectivement, mais je sais pas si c'est peut-être Kathleen qui va plus répondre à cette question-là. mais même vous, en tant que danseur, là, vous connaissez tous ceux qui dansent avec vous. Généralement, on connaît les hommes de son cours, les femmes de son cours, mais on ne se connaît pas entre hommes, entre femmes, alors qu'on vit les mêmes réalités dans la danse. Voilà, exactement. Donc moi, au début, je dansais qu'avec des hommes, puis quand j'ai commencé à danser avec des filles, non seulement ça a amélioré ma danse, mais surtout, ça m'a fait connaître les filles, des filles qui étaient dans mon cours depuis toujours et que je ne connaissais même pas leur nom. Puis ah ouais. De mon côté aussi, c'est la même chose. J'ai pu connaître aussi les hommes qui dansaient en même temps. Puis en même temps, ça crée des relations encore plus solides que tu peux t'améliorer non seulement avec les follow, les femmes aussi, mais aussi avec les hommes qui peuvent follower aussi. Donc, il y a toutes sortes d'options qui se présentent. Alors, il y a les cours à la session hein, qui nous permettent d'apprendre la danse, mais il y a aussi les soirées de danse pour se pratiquer. Donc, il y en a une très prochainement à la Corrigan le 24 octobre. Mm-hmm. Comment ça se passe, les soirées de danse? Est-ce qu'il y a une initiation quand même pour ceux qui arrivent et qui connaissent rien? Oui, en fait, je tiens à préciser que les soirées à la Corrigan sont organisées depuis 6 ans par la Brigade Swing. Donc, voilà. Vous participez, finalement. Oui, c'est ça. On participe. Mm-hmm. On participe avec plaisir. Et c'est ça. Souvent, il y a une initiation gratuite. C'est donné là, par... des danseurs de la scène, donc des gens bénévoles là, qui disent « Ah, moi, j'ai le goût de donner un cours de danse ce soir. » Et même chose pour les DJ là, qui font la musique. Donc, la Corrigan, c'est ça. Ça fait maintenant 6 ans qu'on fait ça. Au début, c'était à toutes les semaines. Là, c'est aux 2 semaines. Donc, toutes les soirées de danse sont écrites dans le calendrier swing, de toute façon. Fait que vous pouvez aller voir si vous cherchez des soirées de danse. Et Tempo Swing donne toutes sortes de cours de swing. Hein. Swing, c'est vraiment le nom général. Puis après, il y a tous les styles. Vous en avez évoqué quelques-uns. Balboa, Lindy Hop, Charleston. Voilà, j'ai fait ça de mémoire. Mais vous recommandez quoi comme premier cours? En fait, nous, on a un cours qui s'appelle Fondement Swing. Donc, c'est vraiment lui qu'on recommande aux gens. C'est la meilleure façon là, d'apprendre à danser et avoir des bonnes bases là, pour après ça pouvoir se diversifier. Ensuite, on peut facilement faire du swing solo. Donc, on parle beaucoup de la danse de couple, mais il y a aussi de la danse solo qu'on peut danser en swing. Et c'est vraiment pratique parce que même soit on peut danser juste ça ou utiliser ce qu'on voit en swing solo pour après ça rajouter ça dans notre danse de couple. Donc, swing solo, après ça, il y a Lindy Hop, Balboa, Charleston, Shag, il y a même du jive, rockabilly jive, qui date plus des années justement 40-50, ça se danse là, sur de la musique comme du Elvis. Le boogie woogie aussi. Il y a des danses aussi qu'il y a moins au Québec, qu'il y a plus en Europe, mais qui vont sûrement arriver ici un jour ou l'autre. C'est ça, exactement. Oui, progressivement, on fait des échanges parfois. Exact. Et donc, comment ça se passe? On s'inscrit à la session. Est-ce qu'il y a des cours à la carte aussi? Oui, donc on offre des cours à la carte, mais on conseille vraiment aux gens de commencer avec une session de swing. Il y a aussi des gens qui ont un horaire atypique qui peuvent soit venir à nos cours sur l'heure du midi, donc on a des cours sur l'heure du midi, ou bien prendre des cours privés. Donc de jour de soir, on a beaucoup de disponibilité. Cours d'essai, c'est possible aussi? Oui, cours d'essai, on a des portes ouvertes régulièrement. Là, les portes ouvertes de septembre sont déjà passées, mais on va en avoir d'autres du 14 au 18 janvier pour venir justement essayer les cours. Le Charleston, gratuitement, on peut... là. Oui, ouais. C'est ça, gratuitement, on peut venir essayer le Charleston, on peut venir essayer les fondements swing et le swing solo aussi, le balboa aussi. Puis après ça, bon, pour les cours plus expérimentés, mais là, ça, il faut s'inscrire à une session et faire le cheminement. Là. Et qui sait participer à des compétitions, parce que vous en faites aussi, Kathleen, régulièrement? Oui, c'est ça. Ben, on va dans plusieurs événements. Il y a des événements qui ont des compétitions, disons, informelles ou un peu plus formelles. Il y a même ce qu'on appelle les championnats canadiens de swing. Donc ça, on y va avec nos équipes habituellement. C'est ça, il y a vraiment différents styles de compétition. Entre autres, il y en a un qui c'est le mix and match, qu'ils prennent des danseurs, ils pigent au hasard qui danse avec qui, et là, il y a une toune au hasard qui part, et là, c'est que les meilleurs gagnent. Donc, ça faut vraiment connecter avec son partenaire assez rapidement et trouver une façon là, de bien danser ensemble, même si on ne se connaît pas. Mais c'est ça, c'est les danseurs d'une même école ou non? C'est toute école confondue? C'est toute école. Des fois, c'est des gens partout au Québec. Il y en a qui viennent de d'autres pays, donc... Des fois, tu t'es jamais parlé, tu parles même pas la même langue, mais tu parles la même langue que la danse swing. Wow! Ça se passe où, cette compétition? En fait, ça change de ville à chaque année. L'année passée, c'était à Trois-Rivières, mais souvent, c'est à Montréal. Donc, c'est au Québec. D'accord. Mais merci beaucoup. Ça a été toute une belle redécouverte, encore une fois. Kathleen Rousseau, cofondatrice de Tempo Swing. On va rappeler que vous avez une page Facebook aussi, un site internet temposwing.com. Vous êtes situé dans le quartier Saint-Roch, sur la rue... De la Couronne, 133 de la Couronne. Et si vous avez le goût de voir du swing, 12, 13, 14 octobre, on a un événement de swing. Donc, il y en a pour les danseurs plus expérimentés, mais aussi des trucs pour les danseurs débutants, si vous voulez venir essayer. C'est bientôt. Et le samedi soir, il va y avoir une soirée avec un band live. Donc, nous, on aime beaucoup ça, danser sur la musique live. Mm-hmm. Donc, là, c'est sur notre site web, c'est sur notre page Facebook, c'est dans le calendrier swing. Donc, qui est mis à jour tous les mois, d'ailleurs. Oui. Et Pierre-Olivier Parisier, Huguenin, pardon. Merci beaucoup à tous les deux. Un plaisir. Cette belle prestation. Vraiment un grand plaisir. Et puis, si vous passez sur la rue de la Couronne, chers auditeurs, jetez un œil par la fenêtre vitrée de l'école de danse Tempo Swing. Ouais. On voit les cours, entendez-vous? On voit. Oui. Oui. On peut si même apprendre de l'extérieur. Même l'hiver, quand ça glisse là sur le trottoir. Merci à vous. Merci à tous. Merci. On va écouter maintenant un album qui sort tout juste aujourd'hui. Un artiste du Nouveau-Brunswick, Simon Daniel, qui est en lancement ce soir à Montréal. J'avais envie de lui faire un petit clin d'œil pour l'avoir rencontré à Tadoussac. Voici Backseat.

Donc une belle longévité, toujours dans cette cause qui est bien importante, mais quand on parle de maladie mentale, c'est très large. Exactement. Puis nous, comment la boussole, on distingue, c'est qu'on aide vraiment l'entourage d'une personne qui est atteinte de maladie mentale. Donc on parle souvent des personnes qui sont elles-mêmes atteintes, mais par contre, autour de ces personnes-là, il y a tout un réseau de personnes, des familles, ben une famille en fait, des amis, des colocataires, ça peut être également des collègues de travail. Donc nous, on va aider cet ensemble, ce réseau-là, à travers nos différents services, donc directement chez vous. Mm-hmm. Ben oui, parce que quand on se retrouve face à un proche qui est diagnostiqué avec une maladie mentale, nous-mêmes, on la connaît pas du tout. La personne a peut-être déjà du mal à nous en parler, à nous expliquer ce qu'elle vit. Mais pour nous, c'est difficile de trouver les outils. Donc, quelle est la différence? Parce que je pense qu'il y a un premier réflexe qui s'est installé aussi au fur et à mesure des années. C'est peut-être d'aller glaner de l'information sur Google, hein, exemple. Exactement, oui. Mais là, votre centre, la boussole, a encore sa pertinence aujourd'hui. Pourquoi c'est important des centres comme ça sur le terrain? Ben, je dirais que la boussole, ce qui nous distingue, c'est qu'on donne vraiment des informations axées sur les proches en considérant vraiment leur vécu et le vécu émotif qu'on peut avoir. Quand on cherche l'information sur Google ou sur Internet, on peut trouver toutes sortes d'informations qui ne prennent pas en considération le vécu émotif d'une mère qui va apprendre que son fils est schizophrène, n'est plus du tout en contact avec la réalité. Donc, à la boussole, on essaie de donner cette information-là vraiment ancrée avec la réalité des proches. On offre différents services, la relation d'aide directement avec des intervenants. Donc, quand on a un proche qui est atteint d'une maladie mentale, on veut en parler, on veut savoir un peu quoi faire, comment se situer là-dedans, qui on est, se retrouver également à travers la maladie mentale de son proche et son rôle à travers tout ça. Donc, on peut rencontrer des professionnels là-dedans. On offre également des capsules d'information donc sur les différents troubles. On va parler des troubles anxieux, des troubles psychotiques, des troubles de l'humeur, donc la dépression, les troubles bipolaires, des troubles de personnalité aussi. On offre également des groupes d'entraide pour les troubles de personnalité, puis les différentes maladies mentales qui sont animées par des proches. Parce qu'il nous différencie également à la boussole, c'est qu'on a été créé par un groupe de proches à la suite de la sortie des personnes atteintes de maladies mentales des hôpitaux là, en 1980. Donc, des personnes qui essayaient de se rejoindre entre eux, qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait également. Leurs proches arrivaient chez eux, puis bon, ils ne savaient pas vraiment comment agir, justement, comment se retrouver là-dedans. Donc, la présence de bénévoles à l'animation des groupes d'entraide, c'est des personnes qui ont eux-mêmes un proche atteint. Ça permet encore de vivre ce par et pour-là, vraiment. Puis, c'est un service qui est hyper apprécié de fois en fois, vraiment. Là, c'est toujours plein, en fait, ces activités-là. Donc, oui. Nous, on comprend que ce service-là est essentiel par là. Nos bénévoles sont également à notre ligne d'écoute 24/7, donc qui sont là le soir, la fin de semaine, la nuit, pour répondre aux besoins de l'entourage qui appelle, qui est en détresse, qui ne sait pas quoi faire, qui a un trop-plein, vraiment. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Mais quand même. Mais je suis quand même étonnée qu'il y ait autant de bénévoles qui assurent vos services. On le sait, les maladies mentales sont vraiment présentes tout autour de nous. Mais trouver des bénévoles qui veulent s'investir là-dedans, est-ce que c'est chose facile? Mais je dirais que les bénévoles qui sont impliqués à la boussole, c'est souvent des personnes qui vont avoir eu recours au service. Donc, des personnes qui vont être venues eux-mêmes utiliser le service de groupe d'entraide, les capsules d'information ou rencontrer un intervenant là, à la boussole. Donc, ils veulent un peu redonner. Nos services sont entièrement gratuits. On est un organisme sans but lucratif. Donc, l'ensemble de nos services est gratuit. Donc, c'est une manière de redonner ce qu'ils ont reçu. Des fois, ces personnes-là veulent dire, ben, grâce à nos différents services, j'ai compris que j'étais pas ça. J'ai compris que je pouvais me retrouver puis être une personne encore malgré la maladie de mon proche. Donc, c'est un peu, justement, comme je l'ai mentionné, une façon de redonner, que ce soit par l'animation des groupes d'entraide, la présence, justement, sur le soutien téléphonique 24/7, ou encore sur le conseil d'administration qui est constitué de beaucoup de personnes qui ont un proche atteint d'une maladie mentale. Ça nous permet de toujours rester, excusez l'anglicisme, mais grounded dans la mission, c'est-à-dire de soutenir puis d'outiller les membres de l'entourage d'une personne atteinte de maladie mentale. Ça nous aide à toujours garder cette mission-là là, en tête. Et on pense souvent aux groupes d'entraide ouverts pour les adultes, mais exactement. Il y en a aussi pour les enfants, et ça, il faut le préciser. Vous accueillez autant les enfants de 8 à 12 ans, les samedis de 9h à midi, que les groupes d'adolescents de 13 à 17 ans, de 18h à 20h les jeudis. Sans adultes, alors? Les jeunes viennent sans les adultes? Exactement. Les jeunes viennent en autobus jusqu'à la boussole, sans leurs parents. C'est sûr que, bon, en bas de 14 ans, il faut que le parent acquiesce que le jeune boussole suit les, disons, les ateliers de la boussole, mais c'est vraiment des ateliers qui permettent aux jeunes de, tu sais, des tout petits de 8 ans ou encore des ados de se retrouver avec des jeunes qui vivent la même situation. Tu sais, ces jeunes-là, ils se sentent marginalisés, ils se sentent un peu tout seuls dans leur réalité quand ils voient ben, la réalité parentale de d'autres amis à l'école, qui n'est pas du tout comme la leur. Ils n'osent pas vraiment en parler. Ils veulent être dans la norme à cet âge-là. Tu veux pas trop te différencier. Tu veux être comme tout le monde. Donc, à la boussole, ça leur permet de parler de leur réalité sans tabou, sans disons, se gêner. Ils peuvent vraiment tout dire. C'est animé par des intervenants, bien sûr, là, qui sont eux-mêmes adultes, mais c'est vraiment... Le but, c'est d'avoir là, les jeunes entre eux qui peuvent vraiment parler de leur réalité. Mm-hmm. C'est vraiment quelque chose qui est particulier. Moi-même, avant de rentrer à la boussole, je pensais pas nécessairement que des services comme ça pouvaient être offerts à des enfants. On pense beaucoup aux adultes qui sont, disons, plus proches de leurs émotions, qui comprennent ce qui leur arrive, qui vont chercher de l'aide. Mais c'est vraiment bien de voir même des parents qui appellent pour que leurs enfants suivent les ateliers là, du programme Enfance-Jeunesse. Ils veulent que leurs enfants comprennent. Ils veulent que leurs enfants se sentent pas justement marginalisés ou on peut dire honteux même. Tu sais, la maladie mentale, c'est encore beaucoup de tabous autour de ça, même si on a la semaine de sensibilisation maladie mentale. En mai, on a la semaine de sensibilisation à la santé mentale. On a beaucoup d'initiatives comme ça, puis on sent qu'on avance, mais la réalité, c'est que c'est pas encore un combat gagné au complet. Donc, c'est vraiment un service qui nous distingue également, le programme Enfance-Jeunesse. Également, un service qui est entièrement gratuit. Donc, on limite pas, disons, aux familles qui ont un meilleur revenu. Des fois, on a de la monoparentalité, un parent qui travaille pas à cause de la maladie à la maison. Donc, le fait que ces services-là soient gratuits permet vraiment à l'ensemble de la population d'en avoir, d'en profiter. Mm-hmm. Exactement. Et également, alors là, on a parlé de tous les services. Évidemment, vous les retrouvez sur le site internet laboussole.ca parce qu'ils sont nombreux hein, et ils ont leurs horaires bien spécifiques. Vous avez aussi une programmation de conférences grand public. Exactement. Un autre service qu'on offre à la boussole, c'est des conférences grand public directement au CHUL sur le boulevard Laurier. Donc, on en a deux cette saison-ci. Le 22 octobre, cannabis et santé mentale qui s'ancre vraiment dans la réalité. Donc, et l'actualité, bien sûr. Donc, le 22 octobre et le 19 novembre, comment soigner la dépression majeure en stimulant le cerveau. Donc, tous les traitements alternatifs pour soigner la dépression majeure. C'est des conférences qui sont gratuites, puis il est possible de s'inscrire à ces conférences-là via Eventbrite. Vous pouvez trouver les liens également sur notre site web ou également sur notre page Facebook La Boussole. Tout simplement. Et les capsules, on a parlé capsule qui veut dire réunion d'information, j'ai l'impression. Exactement, on peut parler de petits cours sur les différentes maladies mentales. D'accord. Oui. Et vous avez aussi des capsules vidéo sur le site exactement. Internet de ce que j'ai pu voir. Les capsules vidéo nous permettent vraiment de suivre l'histoire de M. Langevin qui est bénévole chez nous depuis une vingtaine d'années. On suit son histoire du moment où il a appris que son fils souffrait de schizophrénie. Puis on suit un peu justement son parcours à travers les différents services de la boussole. Ça doit durer en tout et partout, là, peut-être une vingtaine de minutes, les trois capsules. Mais ça permet vraiment là, de découvrir ben, nos services à travers une situation bien concrète. Là. Alors, allez voir tout ça. C'est vraiment une mine d'informations, la boussole. Je rappelle, donc, regroupement des proches de la personne atteinte de maladie mentale. On vient de recevoir Ariane Poirier, coordonnatrice des bénévoles et des communications. Donc, si jamais vous voulez faire du bénévolat, c'est sûrement à toi qu'il faut s'adresser, Ariane. Oui, exactement. Puis, je vais en profiter, là, pour, vu qu'on est là, exactement, oui. Notre programmation inclut également deux activités de levée de fonds, là, qu'on oui, fait à la boussole. Oui, c'est important de le préciser. Le 13 octobre prochain, on est en partenariat avec le Namasté Limoilou qui est situé sur la 3e avenue. Exactement. 3e avenue. Exactement, au deuxième étage de CKRL. À 13h, un cours de Hatha Yoga. C'est du yoga super accessible au profit de la boussole. Donc, super belle activité pour venir calmer son esprit puis prendre un moment pour soi en même temps de faire profiter à une bonne cause telle que la nôtre. Puis le 27 octobre, pour une autre année, la boussole va bouger pour la santé mentale. Donc, toute notre équipe, on va courir à la course La Costumée organisée par Mountain Equipment Co-op. Donc, ça va être au centre-ville. On va courir 5 et 10 kilomètres. Ça dépend des personnes. Puis le but, c'est vraiment d'amasser des fonds pour l'organisme exactement, pour fournir plus de services à différentes clientèles. On parle des enfants, des adultes. Vraiment, on parle des 7 à 77 ans à la boussole. Puis, bien sûr, de sensibiliser les personnes à la réalité de l'entourage là, des personnes atteintes de maladies mentales. J'en profite pour pleurer. plugger là, ces deux raison. Événements-là. Tu es là pour ça, Ariane. Merci beaucoup, Ariane Poirier. Merci, Jessica. Je rappelle, coordonnatrice des bénévoles et des communications à La Boussole. On est en pleine semaine de sensibilisation aux maladies mentales, alors prenez le temps de vous informer, évidemment, si le sujet vous intéresse. Mais il est d'intérêt public dans tous les cas. Dans quelques instants, on retrouve la chronique bière de la Korrigan avec Frédéric Boudreau qui nous présente ta meilleure de la Gabière. Ça sera juste après Gaël Faure. Voici la saison. Vois ses frontières tout autour. Vois comme la nuit les dissout. Les lumières qu'on devinait au lointain semblent nous guider, semblent apporter de main. Des lisières que l'on frôle, des rivières. Ces courants qui m'emportent ont-ils juré de me perdre? Les périls qu'on a passés depuis lors et toutes les routes qu'on a pu fouler, des falaises. Saison qui revient, le temps passe, je sais bien, je n'ai jamais cru ne jamais revenir. Mais pas trop tard, la saison. Café naturel. Gaël Faure avec la saison à CKRL 89.1. Alors, on fait une petite inversion dans l'émission. Je pense qu'on va boire de la bière plus tôt. Je ne sais pas si c'est une demande qu'on m'a faite. Très dommage. Pour faire cette chronique bière. On accueille tout de suite pour la chronique bière de la Korrigane Frédéric Boudreau. Bonjour Frédéric. Bonsoir, bonsoir. Gérant du bar en partie, c'est ça, si je ne me trompe pas? Exactement. Voilà. Et puis, je rapatrie toujours un membre du jury pour faire la dégustation. Ils donnent des commentaires sur les prestations artistiques, mais ils sont aussi capable de parler des bières. Alors aujourd'hui, c'est Guy Langlois qui va nous commenter la bière du jour. Bonjour Guy. Sommelier amateur. C'est beau, c'est beau. Alors Frédéric, tu as choisi une bière de ton coin. Oui, exactement. On apprend donc que tu viens de Saint-Jean-sur-Richelieu avec la Gabière aujourd'hui. Oui, exactement. Donc les brasseurs, les propriétaires, c'est les frères Lagagnère. Donc c'est voilà le jeu de mots, Lagagnère. Souvent les gens se demandent pourquoi la Gabière. En fait, oui, c'est des amis à moi que je connais bien et j'ai amené aujourd'hui la Tameilleur, qui est leur produit vedette, on pourrait dire. C'est vraiment c'est ça. C'est mieux avec un nom comme ça, quand même. Exactement. Faut pas se louper, là. Ouais, non, c'est ça. Avec le slogan et tout, c'est vraiment leur produit vedette. C'est avec ça qu'ils ont pris expansion, là, puis sont venus un peu partout à travers le Québec. Et la Gabière qui est située, bon, j'allais dire en plein centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a une rue bien ouais, principale. La rue Richelieu, exactement. Ils sont direct dessus. C'est vraiment un bar super beau avec sur le bord de la rivière de Richelieu avec une terrasse. C'est vraiment bien. Mm-hmm. Guy, est-ce oui. que tu connaissais cette microbrasserie? On me rappelle le nom, s'il vous plaît? La Gabière. Non, absolument pas. Je connaissais pas ça. J'aime dire que je suis un amateur de bière sans être un connaisseur. Et ce nom-là m'était jamais venu aux oreilles jusqu'à présent. Alors, je suis bien content de découvrir. Mais parfois, on est plus visuel aussi. Alors, la canette, est-ce qu'elle te dit quelque chose? Tu peux nous la décrire, d'ailleurs? Oui. Alors, c'est une canette de quelques millilitres. 473, pour être exact. Quand même assez grosse. Couleur verte, le design assez... on dirait les portes du paradis là, qui s'ouvrent. Oui, avec des houblons. Un fond en fait, psychédélique. Un fond psychédélique un peu années 70. Vraiment belle. Sur fond argenté. Exactement. Tous leurs produits ressemblent un peu à ça, avec différentes couleurs, mais c'est vraiment assez flyé. Ah. Alors, dans le fond, la Tameilleur, c'est du New England IPA. Donc, on va vraiment dans l'amertume aujourd'hui. C'est vraiment ça qui est à la mode. Donc, c'est pour ça que c'est leur produit vedette. On va y aller avec le slogan qui dit « Fais-en ta meilleure ». Donc, c'est vraiment ça. Puis, une petite anecdote, pourquoi elle s'appelle comme ça? En fait, c'est que souvent, les gens au bar, quand ils ont ouvert leur microbrasserie, les gens ne vivaient pas de la microbrasserie à l'époque. Ça a ouvert en 2012, le pub. Et les gens arrivaient souvent et disaient « donne-moi ta meilleure bière. Donne-moi ta meilleure bière, je sais pas ce que je veux boire. » Puis c'était celle-là. Et ils ont cogité, ils ont réfléchi, ils ont vraiment décidé d'appeler une bière ta meilleure. Comme ça, c'est celle-là qu'elle allait offrir à toutes les gens d'ici qui savaient pas quoi boire. Et il y a même, bon, j'extrapole déjà un peu, mais il y a aussi ta plus meilleure maintenant qui la existe. La plus meilleure, qui est une double New England IPA à la pêche. Donc il y a ça. Il y a la pire aussi qui vient d'arriver sur les tablettes. C'est des gens qui demandent vraiment d'avoir la pire bière sur le menu. Ouais, elle est vraiment bonne, par exemple. Massachusetts à ce point-là. Non, ils font vraiment des jeux de mots souvent avec leur bière. C'est vraiment, ils ont une belle équipe marketing. C'est les deux frères qui font ça, mais ils ont vraiment des belles idées. Avec ça. Alors, ça sent tout de suite les agrumes, hein? Je oui. sais pas, Guy. Ah, ben oui, ce que au nez, la première chose que j'ai senti, c'est un mix adorable entre le jus d'orange et le jus de pamplemousse. Puis. Alcoolisé, donc. Ouais. Alcoolisé, voilà. Puis au goût, quand on la consomme, moi, j'étais pas. J'ai jamais été un grand fan des IPA. C'est pas un genre d'amertume que j'aime. Puis depuis les derniers mois, la dernière année, on m'en fait goûter quelques-unes. Puis des un petit peu moins amères, plus vers d'autres horizons gustatives. Puis je me mets de plus en plus à en aimer certaines IPA. Surtout des IPA blanches que vous avez ici à la Korrigan, par exemple. Exactement. Mais c'est sûr que le style New England, justement, ça va vraiment vers le style un peu plus fruité. Donc, fruit de la passion, on va avoir la mangue, l'orange un peu. C'est vraiment des bières. C'est un style de IPA qui est vraiment fruité, qui est vraiment facile à boire, mais qui est quand même assez fort en alcool. T'sais, on peut goûter vraiment l'alcool qui est présent. C'est une bière à 7% quand même. Oui, malgré... c'est traître parce qu'on le sent pas du tout. Non, c'est hein. ça. C'est vraiment. Ça compte comme une portion de fruits le matin. Exactement. Oui, quand on va partir travailler ou même prendre deux, son je pense. Oui. Puisque tu as parlé du jus d'orange et du jus de pamplemousse. Et voilà. Deux portions le monde pour est le prix extraordinaire. Et dans le fond, la Gabière aussi, ce qu'ils font. Vous pouvez voir, c'est très amer, c'est très fruité. C'est des gens, les deux frères, qui brassent vraiment un peu à l'extrême. Ils poussent toujours à l'extrême leur saveur parce qu'ils veulent vraiment pas avoir des bières qui goûtent des affaires subtiles qu'on peut pas vraiment retrouver. Mm-hmm. C'est vraiment, dans tous leurs produits, ils vont vraiment pousser la note pour vraiment avoir des goûts vraiment forts. Comme on peut avoir l'Ale Algonquienne, je sais pas si vous avez déjà bu ça, c'est une bière, une rousse au sapin baumé, et elle est vraiment sur la bouteille. Un avertissement pour dire que ça goûte vraiment beaucoup. Vraiment, c'est pas quelque chose de subtil. Là. C'est vraiment, ça goûte beaucoup. C'est comme croquer dans une forêt boréale un peu. Là. C'est vraiment très, très, très intense. Il faut avoir une énorme bouche pour faire exactement. Ça. Exactement. Vu comme ça. C'est très crémeux aussi. Oui. Je suis assez étonnée. Ça vient d'où, le crémage? En fait, on n'a pas pu le voir parce qu'on avait vraiment... parce qu'on l'a coulé d'avance pour la chronique. Mais il y a vraiment une belle mousse onctueuse. C'est vraiment une bière qui est trouble. C'est vraiment crémeux. C'est dans le processus de brassage avec les houblons et tout. Puis, je suis rentré chercher une petite note fruitée, crémeuse et tout. C'est vraiment... Tu sais, tout à l'heure, je parlais de jus d'orange, jus de, de pamplemousse. À première vue, juste à la vue, on dirait presque un verre de jus d'orange. C'est un peu, c'est ça, les New England IPA. Vous connaissez probablement Boréal, qui ont fait l'IPA du Nord-Est, qui a vraiment popularisé le style. La Gabière est arrivée un petit peu en même temps, dans les mêmes années, parce qu'il est en bouteille depuis ou en canne depuis 2016. Donc, ils ont une usine maintenant pour de production parce qu'ils sont un peu victimes de leur succès. Puis, ça a vraiment une grande expansion. Et c'est aussi dans les premières là, de ce style-là qui vient, dans le fond, du Vermont, de la Nouvelle-Angleterre, ces choses-là, des États-Unis. C'est eux autres qui ont popularisé ça. Puis, au Québec, c'est dans les premiers à avoir fait ça hein, avec Boréal, là, qui ont populariser le style. D'accord. Alors, Guy, est-ce que ça te réconcilie avec... Alors, on n'est pas tout à fait dans la IPA, là. Ben, j'ai commencé déjà à me réconcilier avec les IPA, et puis ben, ça va dans la lignée de la réconciliation. Je suis tout à fait charmé par ce petit jus. Moi, c'est depuis au moins 2 ans la bière que je bois le plus souvent quotidiennement. C'est vraiment abordable, en plus. Vous pouvez la retrouver. Ils ont au-dessus de 200 points de vente. Partout au Québec. Ouais. Donc, vous pouvez vraiment aller dans quelques épiceries, les magasins spécialisés comme l'Axe du Mal, tous les trucs comme ça. Très abordable, c'est en dessous de 4$ la canette. Donc, c'est vraiment quelque chose de super facile à boire si vous voulez rentrer dans les gammes d'IPA et ces choses-là. Et vraiment, ce qui est beau de voir avec les microbrasseries québécoises maintenant, même en dépanneur spécialisé, c'est qu'on n'a plus besoin d'être de Montréal ou de la région de Québec pour se retrouver en dépanneur spécialisé. On trouve même des coins plus lointains ou juste Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben, exactement. Et très présent dans ces dépanneurs. Je ne sais pas combien de temps ça fait, parce que ça fait pas très longtemps que je suis à Québec, mais nous, c'est très populaire. Dans la Montérégie, ces choses-là, on en avait beaucoup, mais je sais que ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont ici. Puis à l'inverse, nous, en Montérégie, des micros du lac, des trucs comme ça, on en a pas beaucoup parce que c'est moins accessible. Vous savez, plus le nord du Québec, ces choses-là. C'est la seule microbrasserie à Saint-Jean-sur-Richelieu? C'est la seule microbrasserie. On a près à Chambly, pas très loin, Bedondin, Bedonron, mais les autres, ils font pas d'embouteillage. Il y a Unibrew aussi qui est à Chambly, bien évidemment, qui sont les pionniers de microbrasserie au Québec. Puis c'est ça, non, c'est vraiment les seuls. Il y avait vraiment un marché pour ça. Ça fait 6 ans qu'ils sont là, puis ils laisseront pas leur place à personne d'autre. Mais tout ça pour dire, parce que je pense qu'il y a un attachement particulier, hein, si c'est la seule microbrasserie de la ville. Là, tu es parti de Saint-Jean-sur-Richelieu, Frédéric. Moi, tu viens nous la présenter 2 semaines plus tard. On est fiers de notre brasserie, surtout. Ouais. Donc, c'est bon de le dire. On rappelle, la Gabière, ça s'écrit comme ça s'entend, avec bière à la fin. Exactement. Ta meilleure, commencez par celle-là, puis vous pouvez décliner ensuite avec ta plus meilleure. Jusqu'à la pire. Voilà. Exactement. On termine par la pire. Merci beaucoup, Guy Langlois, pour ces bons commentaires. Tu restes avec nous. Mais oui, le concours Talent en scène qui va commencer dans quelques minutes. Frédéric Boudreau, merci beaucoup pour cette découverte. Ça fait plaisir. On se revoit bientôt. Mais oui, Chronique Bière, la Corrigane qui nous a présenté ici toujours à la découverte des produits du Québec. Dans quelques instants, comme je vous le disais, Talent en scène reprend avec notre prochain candidat, David Batchi, à découvrir dans les prochaines minutes. Sortie culturelle. Vous êtes artiste et vous cherchez un nouveau défi? CKRL lance le concours Talent en scène à la Corrigane. Chant, musique, poésie, slam, humour, soyez l'un des 32 artistes à participer à notre concours. Vous pourriez gagner un spectacle avec cachet dans la programmation 2019 de la Corrigane, une campagne publicitaire d'une valeur de $1000 à CKRL, une session live enregistrée ou encore une séance photo professionnelle. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site ckrl.qc.ca. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Vanessa, de la succursale Saint-Roch, vous suggère « La chanson de ma mère », un recueil de poésie d'Alain Larose. D'une grande force évocatrice, le livre nous fait traverser la vie d'une femme jusqu'à ce que l'oubli s'empare d'elle.

populaire dans le milieu country à Québec. Les gens te connaissent notamment pour être le personnificateur ou l'un des, je ne sais pas si vous êtes plusieurs à Québec, de Johnny Cash. Pas juste à Québec. Je fais quand même aussi la tournée des festivals. Bref, je recommence à faire le booking dans les festivals. Parce que tu te bookes toi-même. Ouais, j'ai déjà une agente, mais on sait très bien qu'avoir des agents, c'est très, très, très difficile. Mm-hmm. Mais oui, je recommence le booking pour ce qui est des festivals. Et soit dit en passant, juste ici au Québec, on a environ 200 festivals country, si c'est pas plus. Ah oui, quand même. Énorme. C'est énorme. C'est pas juste un titre, là. C'est le plus connu. D'ailleurs, en parlant de Saint-Tite, c'est le plus gros festival country au Canada. Mais ce n'est pas le seul. Non, c'est clair que ce n'est pas le seul. Mais c'est vrai que c'est connu pour être le plus gros. En tout cas, effectivement. Il fait déplacer beaucoup de monde chaque année. D'où te vient ta passion pour la musique country, David? D'où vient la passion pour la musique, tout simplement? Écoute, quand j'étais tout petit, je regardais la TV, des fois, un orchestre symphonique, et là, j'étais devant la TV. Dérangez-moi pas, j'écoute cette musique qui est une... Quel que soit le style. Quel que soit le style, mais surtout quand j'étais petit, le classique m'attirait et je suis resté depuis ce temps-là dans la musique. Écoute, aujourd'hui, mon instrument, c'est la guitare, mais quand j'étais petit, autant j'ai essayé la flûte à bec, j'ai essayé le xylophone, j'ai essayé le drum, j'ai essayé le clavier. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instruments quand même. Mais mon instrument qui est rendu le mien, c'est la guitare. Autant que classique, acoustique, électrique. Et pourquoi la guitare? Parce que tu as observé quand même les orchestres symphoniques, tu aurais pu aller vers d'autres instruments? Absolument, mais c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui m'a attiré. Et avec la guitare, c'est la musique country qui est venue tout de suite ou tu es passé par d'autres styles? Non, je vais toucher quand même un peu à tout. C'est que ce qui arrive avec la musique country, c'est que c'est le style dans lequel je performe le mieux. D'accord. Et comment tu l'as senti, ça? C'est quoi? C'est les commentaires des gens? C'est toi, comment tu te sens sur scène? Oui, c'est sûr qu'on faut toujours être à l'écoute des commentaires que les autres nous apportent, autant que c'est le public, que ce soit des amis. Quand on est un artiste, on n'a pas le choix. Souvent, on est jalousé. Faut pas tout prendre. Mais malgré tout, quand tu as des commentaires que tu sens qui sont sincères, prends le commentaire et tu dis la question. Est-ce que c'est bon ce qu'on nous amène ou c'est pas bon? Est-ce qu'on doit le prendre ou non? Mm-hmm. À prendre ou à laisser. Absolument. Et donc, tu as développé ensuite ta carrière en t'intéressant particulièrement à Johnny Cash. C'est sûr que quand on parle de musique country, il est assez incontournable. Qu'est-ce que toi, tu c'est aimes certain. Chez lui? écoute, Johnny Cash, c'est surtout sa particularité, sa voix basse, chaude. Ces mélodies qui sont tellement simplistes, et si on se ramène à son guitariste, son premier guitariste d'ailleurs, Luther Perkins, il a tellement joué des notes très simples pour jouer des solos qu'aujourd'hui c'est des mélodies qu'on n'oubliera jamais. Et qu'est-ce que c'est être personnificateur? On a peut-être mis une idée sur ce que ça représente. C'est pas être imitateur non plus, c'est pas incarner le personnage. Qu'est-ce que c'est pour toi? Comme aujourd'hui, j'ai concocté un petit spécial Johnny Cash, mais je n'entre pas dans la peau du personnage. Je ne fais qu'interpréter. Dans son style à lui, quand même? Ouais, c'est toujours semblable. Mais quand on dit personnificateur, faut sentir le personnage. Faut savoir qui il a été pour réussir à quand même donner au public ce que lui-même donnait au public. Écoute, il a tellement eu une vie, mais une vie à raconter, cet homme-là. Hein? C'est incroyable. L'intérieur, l'homme qu'il a été, que faut connaître le personnage pour aller le chercher. Je sais pas comment expliquer ça, mais... C'est comme une lumière. Mm-hmm. C'est une lumière qui fait que le monde voit ou entend Johnny Cash et waouh. Mais pour un personnificateur, c'est un certain travail pour redonner cette même chose. Sans avoir vécu ce qu'a vécu Johnny Cash, par exemple. Effectivement. Est-ce que ça t'a pas donné quand même envie, à un moment donné, de te lancer dans tes propres compositions? Je ne sais pas si tu en as déjà. Est-ce que tu as, toi, tes propres compositions? Ah, la question. La question. Que je la pose. C'est correct. Mais oui, effectivement, j'ai déjà écrit, j'ai composé, mais comme bien des artistes, on est une méchante autocritique envers soi-même. J'aimais pas ce que je faisais, même si les gens me disaient « Hey, je voulais cette chanson-là, elle est super bonne. » Non, j'étais pas satisfait, fait que ça a tout pris le bord des vidanges. Est-ce que tu as écrit en français, en anglais? Surtout en anglais, mais il y a du francophone aussi que j'ai fait. Il y aurait quelque malgré chose à que, faire, quand même. Malgré que, c'est pas moi qui l'ai écrit. Il y a une chanson que je fais encore, qui à l'époque était un band que j'ai eu qui a pas toffé bien longtemps. On a pris un poème de Gilles Vigneault et quelqu'un dans le band a mis de la musique par-dessus. Aujourd'hui, le band n'existe pas, n'existe plus. Donc, cette chanson-là, probablement qu'elle n'est plus jouée. Mais moi, j'ai quand même gardé cette chanson-là. D'accord. Donc, on peut l'entendre en spectacle, alors? Ouais, ça va arriver à l'occasion que je vais la faire. Ah, bon. Mmh. Alors, ce soir, c'est ça, tu nous as réservé un programme Johnny Cash, comme tu le disais? Ben ouais. C'est ce que tu fais de mieux depuis combien d'années maintenant? 5 minutes. Non, écoute, j'ai tellement pas calculé le nombre d'années que je fais ça. Comme je disais tantôt, la musique, c'est arrivé vers moi quand j'étais petit. Puis ça a toujours resté là. Puis ça a grandi. Aujourd'hui, voilà ce que c'est. On a hâte d'entendre ça. Alors, je vais te laisser t'installer, David. Ah, drette là. Pas, oui, pas oui, même, oui. Et je te précise d'ores et déjà que tu auras 15 minutes rien qu'à toi avec le public de la Korrigan. Donc, je n'interviendrai pas. La scène t'appartient. Tu as 15 minutes. Parfait. On calcule ça quand même? Moi, je calcule. Moi, je suis l'arbitre intransigeant. Je vais arriver au milieu de la scène pour tout arrêter. OK. Non. Mais généralement, ça se passe bien. Alors, David, je te laisse t'installer. Je vous rappelle que le concours Talent en scène va durer toute la saison à CKRL. On a commencé vraiment dès la deuxième émission de sortie culturelle à la Korrigan. On a une première vague, donc là, à chaque fois que vous entendez un candidat de talent en scène, on est dans cette première vague jusqu'au 23 octobre inclusivement. Et de cette première vague, il y aura un artiste candidat sélectionné pour aller aux demi-finales qui auront lieu tard, là, au mois de mai 2019. Donc c'est vraiment un concours qui va durer toute la saison. On a donc des inscriptions en tout temps sur le site de CKRL, ckrl.qc.ca, que vous soyez artiste en chant, en musique, théâtre, lecture, poésie, slam, bref, n'importe quoi qui serait radiophonique pour que nos auditeurs en profitent aussi. Inscrivez-vous, c'est encore le temps, ckrl.qc.ca. Alors je vous demande maintenant de laisser place à David Batchy pour le concours Talent en scène. Korrigan, merci beaucoup pour l'accueil. Donc oui, je suis David Batchy, l'ombre du cowboy solitaire. D'ailleurs, on va faire ce qu'on peut puisqu'on n'a pas de moniteur. On va tenter d'écouter les trames. Quand t'es prêt, mon Simon. I hear the train a-coming, it's rolling round a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keep a-rolling on down the Saddington. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear the whistle blowing, I hang my head and cry. Yeah! Maybe they're rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking a big cigar. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep it moving, and that was torture for me. One more time. What if they freed me from this prison. If that railroad train was mine, I bet I'd move it all a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. Then I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Folsom Prison Blues, un succès de 1955, et on poursuit avec Hey Porter. Hey Porter, hey Porter, would you tell me the time? How much longer would it tear across that Mason-Dixon line? The daylight would tell that engineer to them. They'd ask everybody to pay to sleep, it's right of it, yeah. Hey Porter, what time did you say? How much longer would it be till I can see the light of day? When the way he takes it, would you tell that engineer to ring his bell? And ask everybody to hang to sleep and stand right up and yell. Hey Porter, it's getting light outside. This old train is puffing smoke and have to strain my eyes. But ask that engineer if he will blow his whistle, please. Cause I smell frost and cotton leaf and I feel that southern breeze. Hey Porter, please get the bag for me. I need nobody to tell me now that we're in Tennessee. Go tell that engineer to make that lonesome whistle scream. We're not so far from home, so pick it a hazy on this team. Hey Porter, please open up the door. Wanna stop the train, I wanna get off first, cause I can't wait no more. But that engineer is a thankful lot and attentive might affair. I'm gonna set my feet on sodden soil and a breathe in sodden air. Suivant Hey Porter, on vous offre Cry, Cry, Cry, que voici. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights of town. I wasted my time when I would try, try, try. Cause when the light of the lost they'll glow, you'll cry, cry, cry. Soon your sugar daddies will all be gone. You'll wake up some cold day and find you're alone. You'll call for me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye. When I turn around and I walk away, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, cry, cry, and you'll cry alone. When everyone's forgotten and you're left on your own, you're gonna cry, cry, cry. I lie awake at night to wait till you come in. You stay a little while and then you're gone again. Every question that I ask I get the lie, lie, lie. For every lie you tell you're gonna cry, cry, cry. When your fickle love gets old no one will care for you. then you'll come back to me for a little love, that's true. I'll tell you no, and then you'll ask me why. When I remind you of all of this, you'll cry. You're gonna cry, and you'll want me then. It'll hurt when you think of the fool you've been. You're gonna cry, yeah! Bon, je vous ai concocté un petit spécial Johnny Cash. On peut pas passer à côté de son plus grand succès. Voici. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide of mine. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. For you, because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. In the happiness I've known, prove that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me codes for love that I can find. For you, I know I'd even try to turn the tide. Watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide of mine. Because you're mine, I walk the line. Bon, ben pour une chanson, Just around the corner there's our tape. Down the street that losers you. If you can't wade in through the teardrop, you'll find me at the home of the blue. I walk and cry while my heart beats. Keeps time with the drag of my shoe. The sun never shines through this window of mine. You're welcome at the home of the blue. Oh, but the place, it filled with the sweetest memories so sweet that I cry. Dreams that I had left me feeling so bad. I just want to give up and lay down and die. So if you've just lost your sweetheart and it seems there's no good way to shoot, come along with me, misery, love and company. You're welcome at the home of the blue. Just around the corner there's our taste. Down the street that loser's you. If you can't wade in through the teardrops, you'll find me at the home of the blue. Yeah, you'll gotta find me at the home of the blue. Merci beaucoup à vous, la Kagan. C'est KRL 89.1. Merci beaucoup. Merci, David Batchi, pour le concours Talent en scène. Je vais inviter le jury à me rejoindre autour de la table. David, reste près de nous, puisque tu vas pouvoir entendre les commentaires du jury qui a pu t'observer pendant ta prestation. On le rappelle, beaucoup de beaux prix à gagner d'ailleurs à travers ce concours. CKRL va offrir 1 000 $ de campagne publicitaire à notre artiste gagnant. Également, la Corrigan offre un spectacle avec cachet pour programmer cet artiste dans sa programmation 2019, hein, puisqu'on va déjà à l'année prochaine. Une séance photo professionnelle aussi offerte par Écoute dans ça, puisque nous avons un de nos membres du jury qui représente ce blog de la musique émergente à Québec. Également, pour les demi-finalistes, je peux l'annoncer, nous avons concrétisé ça avec la photographe qui est là tous les mardis soirs à la Corrigan pour prendre des photos de sorties culturelles. Caroline Boucher va offrir une séance photo professionnelle aux demi-finalistes. Ce seront quand même 3. Donc c'est un très beau cadeau, même si on se rend en demi-finale. Alors j'accueille autour de la table Léa Fischer-Albert, Guy Langlois, qui s'est remis de sa bière, et Jacques Boivin. Remis de ma IPA, hyper amère, mais tellement bonne. Ben oui. Alors Guy, c'est toi qui vas commencer. David, est-ce que tu entends bien ce qui se passe? Sinon, n'hésite pas à te rapprocher. Approche-toi. David. Alors, Guy, oui. Impression. On passe par tous les styles dans ce concours, faut le dire. Déjà. Absolument. On a vu du rap, on a vu de la chanson un peu, je dirais pas psychédélique, mais c'est intéressant. Comment on dit? Poétique, oui. Mais je parlais du groupe avec le chapeau de plume. Cornicula. Oui, exactement, exactement. Et Aurore, oui, aussi, qui était dans la poésie à ce moment-là. Et là, on est dans le country pour cette fois-là. David, merci beaucoup d'avoir passé au concours Talent en scène. C'est toujours le fun d'avoir des artistes comme ça qui performent des styles qu'on entend peu. Le country, c'est quand même populaire au Québec, c'est vrai, mais c'est moins accessible, on dirait, que la musique pop ou la musique rock, ou enfin le country, c'est un peu plus niché, mais c'est toujours intéressant d'entendre ça et de voir ça également. Belle voix, belle présence aussi. Moi, je me questionne en fait à savoir le choix de la guitare qui n'est pas en bon français mic'ée, qui n'est pas pluguée. Est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'il y a eu un problème technique? Réponds-moi, répondez-moi. Le fait de ne pas avoir été branché ce soir, bon, c'est dû au fait qu'on manque un moniteur. Donc pour les trams, je devais les entendre. Fait que j'aimais mieux peut-être baisser un peu le volume de la guitare. Fait qu'on... Monsieur, avec Simon, qu'est-ce qu'on serait mieux de faire? OK. On n'a pas branché. Les trams sont déjà complètes. Bon, donc. Je comprends. Parfait. Moi, en tant que spectateur, ça a un peu affecté mon expérience, en fait, pour ce numéro-là. C'est un tout, la voix, la musique, la guitare, l'instrumentalisation, le talent, tout ça d'avoir un instrument qui manque, il y a eu quelque chose pour moi qui a manqué dans la prestation, juste de la voix. T'as une belle voix, ça, je ne te l'enlève pas du tout, ça, vraiment, là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais le fait de devoir faire du air guitar pendant 10 minutes, je me suis dit, est-ce que pendant 1h30, qui est le prix qu'on offre à la Corrigan, à la fin de la saison. Est-ce que pendant 1h30, je vais me plaire à regarder ça, surtout si je ne suis pas familier avec le style country puis que je veux découvrir justement cet univers-là? J'aurais aimé de voir jouer, pour vrai. Même s'il y avait des contraintes techniques, même s'il y avait certaines choses par rapport à ça, j'aimerais ça te voir jouer pour une expérience complète du numéro. Oui, ben j'avoue que ça aurait été mieux. J'aurais aimé mieux ça aussi. Mais ça, j'étais mieux d'entendre mes drames pour être sûr que de savoir est-ce qu'on s'en va ou est-ce qu'on pour savoir si on a des bons cues, que tout soit correct. Je comprends. Mais je vais laisser mes collègues commenter Guy, aussi. C'est ça, Guy Langlois, qui, je le rappelle, je vais rappeler les fonctions en même temps de notre jury ce soir, comédien, coach d'improvisation aussi à Québec, mais il fait mille et une choses. On a ensuite Léa Fischer-Albert qui représente le théâtre du groupe Mécano ce soir, étant à la co-direction, à direction du développement et co-direction générale. Léa. Allô David, donc encore une fois, moi je suis entièrement d'accord avec Guy au niveau de la voix, puis de clairement la passion que tu as envers Johnny Cash, là, c'est très assumé, puis c'est vraiment bien rendu, donc ça c'est ta force, puis c'est clairement là-dessus qu'il faut miser. Cela dit, dans une expérience globale, j'imagine pour avoir quand même été voir sur tes réseaux sociaux, etc., que tu joues habituellement avec un band, puis que l'expérience doit être différente avec une musique live, c'est sûr que ça doit donner un rendu différent. Moi, venant du milieu du théâtre, j'ai envie de t'encourager à aller encore plus loin dans la personnification. J'aurais aimé ça entendre peut-être pourquoi tu es aussi passionné, pourquoi tu as choisi ces chansons-là, par exemple, du répertoire pour le numéro à la Corrigan. Je pense que ça fait des années que tu roules avec ce personnage-là, avec ces chansons-là. Elles doivent clairement beaucoup t'habiter. Puis ça aurait été super intéressant de juste entendre ton point de vue sur le sujet, d'apprendre à mieux te connaître aussi comme performeur, comme musicien dans le processus. 15 minutes, c'est pas beaucoup. C'est sûr qu'on aurait pu avoir beaucoup à parler sur le sujet. C'est pas beaucoup, 15 minutes, c'est vrai, mais c'est ce qu'on a pour vraiment impressionner, non seulement nous, les humbles jurés que nous sommes, mais aussi le public de la Corrigane. Merci Léa Fischer-Albert. On va passer le micro maintenant à Jacques Boivin, fondateur du blog Écoute dans ça, qui s'intéresse à la musique émergente, mais pas seulement à Québec, toute la musique locale ici, les artistes qui viennent nous rendre visite. Ben oui. Ben, tu sais, d'habitude, les dernières semaines, j'ai toujours parlé en premier, fait que c'était toujours mes deux camarades qui disaient « Ouais, ben j'abonde pas mal dans le sens de Jacques, mais là, j'abonde pas mal dans votre sens. » On chicane pas trop. Non, on chicane pas trop. Écoute, voix magnifique, interprétation. Regarde, j'ai quasiment envie d'être un peu God Jim puis de dire t'es sacoche pour Johnny Cash là. Mais ouais, c'est ça. Mais il manquait un band. Manquait de quoi? Il manquait quelque chose. Puis c'est sûr que regarde, dans les circonstances dans lesquelles on est, c'est sûr que nous autres on fait, ben écoute, c'est normal, c'est on le comprend. Tu sais, on le fait. Mais j'aurais aimé ça de voir. C'est ça, backé par un band, backé par quelque chose, plutôt que d'entendre, tu sais, qu'il y a un peu du Milli Vanilli qui chante au lieu de plutôt que le contraire. C'est dommage parce que vraiment, j'aimais ça, j'aime ta voix, j'aime. Écoute, Johnny Cash, je l'adore. Le country, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un genre auquel je suis pas mal plus ouvert que, mettons, le metal, le hip-hop. Je suis pas mal plus ouvert au country que d'autres choses. J'ai trippé, je suis allé faire des festivals au Tennessee, tu sais. Donc, vraiment, sur le plan de l'interprétation, c'était le fun. J'aimerais ça en voir plus, j'aimerais ça en voir plus gros, j'aimerais ça en voir, avec plus, justement, plus assumé encore, même si avec ton chapeau puis tout. Le monde te voit pas, là, mais présentement, t'as vraiment l'air d'un cowboy. Oui, absolument. Merci. J'aimerais ça. Look qui te va bien aussi. J'aimerais ça te demander, David, est-ce que t'es un habitué des concours? Est-ce que t'en fais plusieurs à travers le Québec en personnifiant Johnny Cash? De temps en temps, un petit concours de temps en temps, là, de passage, mais je ne veux pas m'attarder trop au concours. Je comprends. Dans un concours, on a 15 minutes, c'est pas long. Il faut vraiment faire une synthèse, une condensation du meilleur que tu as à offrir. Puis, comme mes collègues le disent, avec un morceau de band, avec une guitare live, avec quelque chose qui vient soutenir ta belle voix, on aurait eu une synthèse beaucoup plus assumée, beaucoup plus vraie du talent que tu as à nous offrir, plutôt que simplement la voix. Mais sur ça, je suis quand même d'accord. Puis, mais, ben, parfois, excuse-moi de t'interrompre. Il n'y a pas de problème. On a tendance aussi, moi, parce que j'organise des tournées de spectacles dans mon travail, puis on a à faire des vitrines de très courte durée parfois, d'une durée de 20 minutes. Il faut choisir les meilleurs moments. Mais on a tendance, à, surtout en musique, à focusser uniquement sur la musique, finalement, sur le produit qu'on a à offrir. Mais on oublie qu'on est sur une scène devant des gens, puis que la connexion avec le public, là, c'est aussi ce qui est important, puis c'est ce qui fait la grosse différence dans ces réalités-là. Dans ces situations-là. Donc, mot aux prochaines personnes qui passeront au concours, ne pas oublier de se vendre, de parler, de connecter, d'avoir une relation avec le public aussi. Là, c'est ça qui marche à fond la caisse également. Merci aux commentaires de notre jury ce soir de Talent en scène. On remercie encore une fois David Bacci d'avoir participé à ce concours. Je glisse quand même le commentaire de notre juge invisible, mais pas des moindres, c'est notre metteur en onde aussi qui a son mot à dire dans le jury. Il nous dit, parce que lui, il n'a pas le visuel, il a uniquement les oreilles, comme vous, chers auditeurs. Solide vocal, performance de personnification invisible de par ma place de juge radiophonique. Donc son commentaire s'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. C'est un plaisir, ma chère. Meilleure des chances dans ce concours Talent en scène. Je vous rappelle que la première vague se poursuit jusqu'au 23 octobre prochain, inclusivement. On annoncera les gagnants juste après, le gagnant, l'artiste qui va continuer en demi-finale juste après cette première vague. Dans quelques instants, la chronique de l'Ampli de Québec avec Fria Moraz. Restez avec nous. Sortie culturelle. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz avec les trios Elias, Copland et The Daddy. Soyez les témoins privilégiés de la chimie qui opère entre le guitariste Rody Elias, le claviériste Mark Copland et le bassiste Adrian The Daddy dans l'intimité de la salle d'Youville. Le 5 octobre, vivez la musique à son meilleur avec le trio Elias, Copland et The Daddy. Détails au palaismontcalm.ca. La 28e édition des Rendez-vous Estrade de Québec du 4 au 8 octobre dans plusieurs salles de la ville. Mettant en vedette, entre autres, Yves Lambert Trio, Les Chauffeurs à pied, ainsi que des artistes de la Bretagne et du Pays Basque. Ce sont plus de 40 artistes porteurs de tradition qui se joignent pour offrir 5 jours de musique traditionnelle. Au programme, activités familiales, concerts, ateliers, lancement d'albums, veillées de danse traditionnelle, randonnées chantées, joutes chantées et jam de fin de soirée. Découvrez toute la programmation sur estrade.qc.ca, un festival qui présente une vision contemporaine des traditions musicales d'ici et d'ailleurs. Puis vous avez l'air loufoque avec mon pyjama. Nouveauté chez Slam Disc, Slater et Fils. Il faut garder sa scène pour que tout le monde s'en pareil. Il faut que ça soit catchy, rien qui chatouille les oreilles. Découvrez la band de Skorok, Slater et Fils et leur troisième album, Cours d'inconduite. Slater et Fist, disponible partout sur les plateformes en ligne. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. SDC 3e Avenue, la Maison des femmes de Québec, Théâtre Petit Champlain, Salle Albert Rousseau, Association pour la défense des droits sociaux Québec Métro. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Pourquoi devenir membre de votre radio? Parce qu'on vous parle avec passion de cinéma, de poésie et de littérature sous tous ses aspects. Et parce qu'aussi, ça vous permet de soustraire 10% sur votre addition à la librairie Pantoute. Devenez membre sur ckrl.qc.ca. Amateurs de cidre, cet événement est pour vous. Le 17 octobre prochain, la Corrigan reçoit Émile Robert de la cidrerie Somnambule. Au menu, 6 cidres artisanaux à déguster tout en apprenant sur le plus qu'intéressant univers de la pomme. De très beaux produits du Québec et d'ailleurs à vous faire découvrir. Mercredi, le 17 octobre, 18h, 380 rue Dorchester, c'est un rendez-vous. Un atelier, 6 cidres, 25$. Billets en vente au corrigan.ca. Sortie culturelle. Sortie culturelle à la Corrigan vous est présentée en direct du 380 rue Dorchester. Ok, mais c'est pas grave. Sortie culturelle à la Korrigan pour cette dernière demi-heure, mais non des moindres. J'avais envie de donner une place aussi, une vitrine à nos membres du jury parce qu'ils viennent ici participer au concours, se sont engagés à venir tous les mardis pour voir les artistes participants au concours Talent en scène. Je vous énonce leur titre à chaque fois, mais on ne sait pas beaucoup plus ce qu'il faut. Alors j'avais envie de leur consacrer quelques minutes sur leur projet. Alors je suis restée avec Léa Fischer-Albert qui représente le théâtre du Gros Mécanisme à titre de directrice du développement et co-directrice générale. On rappelle Théâtre du Gros Mécano, ce sont des productions jeunesse qui font des tournées partout à travers la province et même à l'international. Donc Léa, vous créez en permanence au Théâtre du Gros Mécano aussi. Oui, je m'amuse à dire que notre directeur artistique, Carole Catita, est une machine à aider. Il y a toujours quelque chose sur le feu. Nous, on est donc une compagnie de production, c'est-à-dire que c'est nous autres qui allons créer les spectacles qui vont dans les salles. On n'est pas associé à une salle de spectacle en particulier. Cependant, le Théâtre Gros Mécano a cofondé le Théâtre Jeunesse Les Gros Becs, donc qui est la salle spécialisée à Québec. Cette année, par exemple, on a une soixantaine de représentations de nos spectacles en tournée partout dans la province. Donc, trois de nos spectacles parcourent le Québec carrément. Sinon, notre directeur artistique est en train de créer une production avec un festival en Italie. Donc, une production sur le thème Courte Pointe avec deux comédiens de Québec, Marjorie Audet et Nicolas Jobin. Ce spectacle-là est en recherche depuis 2 ans. Il y a eu plusieurs résidences de création d'une part et d'autre de l'Atlantique, donc ici et en Italie. Et le spectacle va être officiellement créé en Italie en janvier et il va venir au Québec avec l'équipe québécoise en mars lors de la semaine de relâche au Musée national des Beaux-Arts. Et c'est ça, c'est vraiment une grosse production, une coproduction internationale. Ça se fait de très longue haleine, les créations chez nous. Ça prend en général 2 à 4 ans de recherche avant qu'on arrive à produire un spectacle. Mais dans le cas d'une production internationale, c'est encore plus long parce qu'il y a des déplacements qui sont plus ardus et des décalages horaires qui sont impliqués, entre guillemets. Donc, ça. Organiser une tournée, c'est tout un travail, effectivement. Oui. Et là, c'est presque la concrétisation puisqu'il y a toute l'étape de recherche et de création avant Léa. Exactement. Pour être informé de ces étapes de création, est-ce que vous les communiquez sur votre site Internet, par exemple? J'essaie de garder le site Internet le plus à jour possible, mais ce qui est vraiment très à jour constamment, c'est notre page Facebook. Pour ceux qui veulent s'informer d'une compagnie de production de Québec, je vous invite à nous suivre sur Facebook, donc le Théâtre du Gros Mécano. Sinon, bien entendu, tous les détails de nos calendriers, de nos tournées sont sur notre site Internet également. Donc, que vous soyez à Québec, à Roberval ou à Fermont, vous allez pouvoir potentiellement voir une de nos productions sur la route cette année. Pardon. Oui, peut même jusqu'en 2020, puisqu'on voit que les spectacles tournent jusque-là. Mais écoutez, j'ai envie que tu me gardes le projet du petit avare dont on pourra reparler une prochaine fois. On va s'émietter ça jusqu'à la fin de la première vague du concours, Léa. Guy Langlois, de ton côté, comédien, animateur, coach d'improvisation, on peut te retrouver tous les lundis soir à l'examen final. Oui, à La Revanche, exactement. C'est un jeu quiz que j'anime hebdomadairement à La Revanche. Des fois, on a un peu l'idée des jeux quiz comme un génie en herbe, très austère, avec un animateur qui pose des questions, puis si tu le sais pas, c'est la honte nationale. Tu n'es pas ce genre d'animateur. Absolument pas. L'examen final, c'est un jeu quiz qu'on joue en équipe de 2 à 4 joueurs tous les lundis à 19h à La Revanche. Il y a plus de 200$ en prix à gagner chaque lundi. On est fiers des réponses qu'on connaît, on rit des réponses qu'on connaît pas. Il y a des... c'est drôle, il y a des jeux, il y a plein de choses. C'est vraiment, vraiment ludique. Alors, venez, ça joue pour le plaisir. Les petits comme les gros cerveaux sont invités les lundis soirs à La Revanche. marche. On vient en équipe à deux, en famille, entre collègues, peu importe. Absolument. Vous mettez même un bonnet d'âne et oui. on gagne un souper au bonnet d'âne. Exactement. J'adore le principe. Si vous terminez à la dernière position, on vous fait peut-être porter des bonnets d'âne en carton sur la tête. Mais ça, c'est si vous le voulez, bien évidemment. On force personne à faire ça. Mais si vous le voulez, bien sûr. Puis on offre des prix, notamment le bonnet d'âne. Cette année, on a aussi Atelier Saveur Québec qui est avec nous. On a qui d'autre qu'on a? On a le Sam, le bistrot du Château Frontenac. On a Sauf qui peut, les Escape Room. Toi, je sais que t'aimes ça beaucoup. J'adore les Escape Room. Il y a Sauf qui peut qui sont avec nous cette session-ci. Puis on peut venir jouer une fois, 10 fois, 3 fois. C'est pas grave. C'est pas une ligue. On n'est pas obligé de venir à chaque semaine nécessairement. Mais plus on vient jouer, plus on accumule des points et plus on a de la chance de gagner les prix qui sont offerts durant la saison. Alors, c'est à la revanche chaque lundi soir dès 19h. Dès 19h. Guy, on va s'en garder aussi oui. pour les prochaines ben fois. Oui, absolument. Parce que je veux parler de vos projets au fur et à mesure de ces émissions. Guy Langlois, Léa Fischer-Albert, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Dans quelques instants, Chronique de l'Ampli de Québec qui nous présente Fria Moras, qu'on va écouter dès maintenant parce qu'elle a déjà un premier EP qui est paru. Voici Van Gogh avec les divagations auditives. Sur ta peau qui éclaire les bateaux au large, le doigt qui tremble sur la gâchette où tu appuies pour fuir les autres. On vient d'entendre Fria. Alors, il est temps que j'apprenne à prononcer le deuxième nom, mais on va voir ça dans quelques instants. Je vais le dire à ma façon. Fria Moras avec Van Gogh, les divagations auditives, extrait d'un premier EP, La peur des animaux. Et j'ai rapatrié la chronique de l'Ampli de Québec dans cette émission, parce que c'est quand même plus le fun d'être dans un bar avec un public. Alors, bonjour Guillaume Sirois. Bonjour Jessica. Conseiller artistique à l'Ampli, t'es voisin de la Korigane, là. Ça m'a fait très proche pour venir te rejoindre. joindre aujourd'hui. Plus proche que ce KRL. Oui. L'Ampli de Québec, qui, on le rappelle, donne de la formation, accompagne les artistes en musique de la ville, de la région de Québec, en fait, plus largement. De la ville de Québec. De la ville. D'accord, ouais. On resterait ville. Alors, présente-nous l'artiste que tu as choisi aujourd'hui. Ben écoute, Jessica, tu m'avais demandé bien clairement de faire un petit quelque chose de spécial là, pour le début de cette saison d'automne. Mm-hmm. Et donc, quoi de mieux que d'avoir Fria Moeras avec nous? Qui... Moeras, alors, ben, moi, c'est je comment? Dis comme ça, non? Ça marche c'est pas. Bien, ben, on t'a vu. Moeras, moi, je le dis à la latin un petit peu, Jessica. Ben oui. Puis, ben écoute, nous, on a fait la sélection du volet pro dans les dernières semaines, qui est notre volet vraiment d'intégration des milieux professionnels pour les artistes émergents. Et puis, entre les quatre candidats qu'on a sélectionnés pour cette année, il y avait Fria. Et donc, je me suis dit, voilà une bonne idée pour commencer la nouvelle saison de CKRL avec toi, Jessica. Avec grand plaisir. Je suis très contente que tu nous les présentes ici pour les auditeurs de CKRL et pour la Korigane. Bonjour Fria. Salut. Fria, c'est drôle, tu es le genre de nom d'artiste qu'on voit circuler un peu partout. On sent un intérêt des médias locaux pour ton projet. Je te le dis de mon point de vue tout à fait personnel de journaliste culturel. Mais c'est assez hallucinant, ton nom est en train de se passer. Il se passe quelque chose, tu viens de sortir un premier EP, comme je le disais, La peur des animaux. Ouais. Tu vas faire la première partie d'Antoine Corriveau aussi ce jeudi 4 octobre. Ouh. Ah oui? Non? Ça se peut? Ben, on me l'a... C'est ah? lui-même qui me l'a dit. C'est vrai? Oh, c'était pas confirmé? D'accord. OK, bon, ben écoute, je suis maintenant agente d'artiste. Ça me va très wow, bien. Wow, super. Vous voulez des scoops? C'est avec Jessica que ça se passe. Même moi, j'étais pas au courant. Et mais c'est... Alors écoute, à vérifier, je veux pas faire de faux espoirs. Il y a pas de problème. En tout cas, on va te suivre sur ta page Facebook. Oui. Fria, raconte-moi, quel est ton univers? Mon univers, c'est... Je sais pas comment analyser cette question-là. Est-ce que tu me demandes pourquoi mon univers est étrange? Qu'est-ce qui le rend étrange? Ben, pourquoi est-ce que... Parlons par exemple de la pochette du disque, La peur des animaux. Oui. Alors tu es accompagné d'un chat qui regarde dans la même direction que toi. Oui. Vous avez l'air tous les deux assez sceptiques face aux photographes. Oui. Cette passion pour les animaux, c'est peut-être plus clair. Ouh, les animaux. ben, à la base, j'aime énormément les animaux. Puis quand je parle des animaux, c'est vraiment tous les animaux. Comme... Mais j'ai une petite préférence pour, oui, les chats. Ça, c'est bien c'est les chats. Mode, mais là. J'aime beaucoup les animaux qu'on considère comme de la vermine, en fait. Je suis très fan des ratons laveurs, des écureuils, des opossums. Les opossums, c'est oui. Est-ce que ça t'aide dans ta musique, ça? Parce qu'au point d'appeler... Parce que la peur des animaux, évidemment, c'est métaphorique. Ça n'a aucun rapport... oui, ça n'a aucun rapport avec le fait que j'aime les animaux. C'est vraiment juste un hasard, parce qu'en fait, la peur des animaux, ça parle... Parce que je suis une fille qui est très peureuse dans la vie. Vraiment, vraiment, j'ai peur de tout. C'est pour ça qu'un peu que je pense que je m'identifie à un opossum. Tu sais, c'est très peureux, puis ça fait. Donc, je pense que... Tu sais que la peur... T'as vu Star Wars? Oui. Fear is a path to the dark side. Oui, mais c'est ça. Faut faire attention. C'est là la clé, alors, je pense. Mais c'est ça. Donc, j'ai très peur de la vie. Non, je niaise. Et la peur des animaux, en fait, c'est une chanson qui parle de mes peurs, de certaines de mes peurs, puis de comment je les affronte, soit pas très bien. Puis, en fait, quand j'étais jeune, j'avais l'habitude de... Je faisais tout le temps le même rêve, puis ce rêve-là, c'était un monstre qui courait après les gens de ma famille et moi. Puis ce monstre était composé de plusieurs parties d'animaux différents. Puis, ce monstre-là représentait toutes mes peurs, en fait. C'est quand même déjà très, très, très, très imagé. T'avais beaucoup d'imagination. Oui, absolument. Puis, c'est ça. Donc, quand j'ai écrit cette chanson-là, puis que je me suis rendu compte que je parlais de trucs desquels j'avais peur, je me suis dit, ça me rappelle mon rêve de quand j'étais jeune, que j'avais peur, et les animaux, blablabla. Je fais des liens un peu douteux, mais ça a marché. Bah, écoute, Fria, j'ai envie qu'on t'entende ici à CKRL. On arrive quand même très vite à la fin de l'émission. Tu vas interpréter Le vent souffle malade. Oui. Je te laisse t'installer avec ta guitare pendant ce temps-là. Guillaume, on peut le dire, oui, il y a le volet pro pour les artistes là, qui, pendant 8-9 mois, vont pouvoir réaliser un projet, bâtir leur profil artistique. Mais il y a d'autres formations qu'on peut suivre à l'Ampli de Québec. Ben, totalement. Tu sais, comme d'habitude, Jessica, il y a tout le service de conseil artistique, mais on a plusieurs formations qui sont de retour encore cet automne. On recommence nos très populaires ateliers de musique improvisée. Tu sais que ça a même donné lieu maintenant à un orchestre de musique improvisée de Québec. J'ai cru voir ça passer sur les réseaux sociaux. Qui se réunit pour des concerts. Donc, les samedis 1er septembre, 6 octobre et 1er décembre, entre autres. On a toujours le club d'écriture qui est de retour parce qu'il est si populaire. Donc, 24 septembre, 3, 17, 24 octobre, 7 et 14 novembre. On a bientôt Musique électronique 101 le 9 octobre avec André Héran, MIM, qui va donner un peu la base de la production de musique électronique. Être musicien au Québec en 2018, un regard sociologique avec Martin Bonneau le 16 octobre. Musique à l'image le 23 octobre. Et finalement, le 27 octobre de ce mois-ci, on a Percevoir ses redevances avec Maëva Clermont. Comment aller chercher le maximum de ce que l'industrie nous doit, Jessica. En tant qu'artiste en musique. On rappelle amplitdequebec.com si vous voulez retrouver toutes les informations. Oui, les gens peuvent nous appeler ou nous écrire s'ils veulent de l'information ou s'inscrire. Et devenir membre, bien sûr. Merci, Guillaume Sirois. Merci. Alors, écoutons tout de suite Fria Moeira. Je suis contente, je sais enfin le dire. Elle nous interprète Le vent souffle malade. Au bord de ma fenêtre, puis je regarde passer les heures. T'es en retard comme d'habitude, mais cette fois tu es venu. T'arrives une enveloppe à la main, c'est une lettre d'adieu. Mais moi, je veux pas y croire, fait que je ferme les yeux. Le vent souffle malade, le ciel vieillit. Des rides de nuages dans visage obscurci. Les doigts et les poumons jaunis par une douce incendie. Le vent souffle malade. Du matin, l'immeuble en feu s'est éteint. Un spectacle de pyrotechnie, une symphonie de cris, assourdi par le crépitement des brasses qui alimente mes rêves. Sortie culturelle à la Corrigan vous a été présentée en direct du 380 rue Dorchester.